On va jeter un coup d'œil aujourd'hui dans l'émission sur l'histoire du cégep de Thedford, parce que c'est un. On va souligner en mai une fête particulière. Stéphane Garneau, historien, est avec nous. Salut Stéphane. Bonjour Alain. Comment ça va? Ah, bien toi? Oui, tu vas nous parler donc. On va parler de l'historique du cégep de Thedford. C'est lui qui est créé le 21 mai 1969. 69, OK. Là, déjà, je ne sais plus combien d'années, mais là, déjà 3-4 ans, on avait fêté le 50e. Ouais. Là, pas si longtemps. OK. Fait qu'on a déjà une petite histoire. On va reculer parce que c'est sûr que les plus vieux peuvent la connaître un peu, mais les plus jeunes, on va commencer, dans le fond, ça vient de où les cégeps? C'est ça, j'allais dire, hein? On commence avec ça. Donc, au début des années 60, le Québec, bon, il décide de s'attaquer au morcellement de la formation secondaire. Donc, okay. on avait plusieurs cheminements scolaires qui étaient très disparates. Puis en plus, c'était dur de passer de un à l'autre si on changeait d'idée. OK, ah oui. Je te donne un effet. Entre de la 7e à la 12e année, là, la formation était assurée par plusieurs établissements scolaires comme des écoles publiques, tu avais des institutions privées, des juvénats, des couvents, des écoles normales, des collèges classiques, des écoles d'art et métiers, des instituts familiaux. Comme je te dis, c'était pénible. En plus, si tu veux pas passer, c'était difficile de faire une mobilité de un à l'autre. Fait que si tu veux commencer un parcours, puis tu changes d'école, ben là, il faudrait quand même la recommencer. Tu commences à zéro presque. À zéro. Okay. Fait que là, le gouvernement décide en 1961 de créer la commission royale d'enquête sur l'enseignement de la province de Québec. Si je vous dis la commission parent, peut-être que ça vous dit plus quelque chose, parce que c'est le nom du celui qui avait présidé la commission, c'était Monseigneur Alphonse Marie Parent. OK. Donc, après 3 années d'études, on va déposer un gros rapport en 1964. Et là, bon, il y a différentes mesures qui vont être prônées. Là, mais l'une d'entre elles qui nous touche notre sujet d'aujourd'hui, on prône la création d'établissements portant le nom d'institut à ce moment-là, qui vont être l'étape préparatoire nécessaire aux études supérieures, donc pour ceux qui veulent aller à l'université. OK. Et pour les autres, la dernière phase d'une formation professionnelle préparant directement au marché du travail. Donc, on reconnaît un peu là, le... Un mix des deux. Ah, là, c'est hein? Ça, oui. Juste pour revenir, au début, on appelait ça des instituts. Ouais. Finalement, par après, on va donner le nom de cégep. Okay. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que peut-être que les plus jeunes ne savent pas pourquoi on appelle ça des cégep, c'était un acronyme pour Collège d'enseignement général et professionnel. Ah, OK. C'est là que vient le mot je cégep. Je m'en souviens pas moi-même. Au départ, on mettait des points entre chacune des lettres. Aujourd'hui, ça, là, on enlève les points. Puis C'est le cégep. On va au cégep. Mais à l'origine, c'était ce que voulait dire cégep. OK. Fait qu'évidemment, très tôt, la région, on va se mobiliser pour en avoir un cégep. Parce que là, c'est sûr qu'au départ, là, aujourd'hui, on en a plusieurs, mais au départ, on n'en créera pas 50 toute la même année. Fait que ça a levé, ils ont levé la main dans la région. Oui, on va créer un comité, et donc, qui va être présidé par Jean-Marc Roberge. Dès la fin décembre 1964, déjà, même le collège classique, là, son supérieur va prôner la rue d'un cégep, même si ça peut faire disparaître son établissement. Ah ouais, okay. Fait que déjà, okay. Là, les gens, on voyait l'avenir. On voyait que c'était là que ça allait vers l'avenir. Puis, donc, on va étudier ça. Puis, 10 mois plus tard, on va déposer un mémoire de 173 pages au ministère de l'Éducation pour mousser notre candidature. Hein. Thedford, ce serait un excellent choix pour avoir un cégep. Dans la même voie, on va recevoir, parce que là, le gouvernement il va créer comme une mission qui va être chargée de visiter ceux qui veulent avoir des cégeps. Okay. Fait qu'on reçoit la mission des cégeps le 30 novembre 1967. Elle va visiter les différentes institutions qui veulent se regrouper pour avoir un cégep. Ouais. À Thedford, il y a 3 institutions. Il y a le collège classique, okay, qui est situé où est le cégep aujourd'hui. C'est ça. Le collège classique, lui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était si tu voulais aller à l'université, tu voulais devenir médecin, notaire, okay, il fallait que tu utilises au collège classique. Avant c'était beaucoup là, les humanités grecques et latines. Okay. C'était plus des emplois là, de professionnels. Okay. Puis les filles, pour savoir, les filles ont eu seulement accès au collège classique là, à partir, je pense, de Thedford de 1966. Avant ça, c'était réservé exclusivement aux garçons. Il y avait l'école d'art et métiers. Oui. C'est la maison de la culture. Bon, okay, eux, comme ça dit, ça préparait là, les métiers mécaniques, ces choses-là. Donc, c'était à l'école d'art et métiers. Et l'autre école qui voulait fonctionner, c'était l'école normale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, si tu voulais devenir enseignant, tu n'allais pas à l'université. Tu allais faire ton brevet à l'école normale. L'école normale, qui était située sur la rue Notre-Dame, ici. OK. Fait que ces 3 institutions-là vont fusionner pour essayer d'avoir un cégep. Okay. Et on va décider que si on l'a, on va décider que ça va être dans les locaux du collège classique qu'on va l'installer. OK. Fait que dans le fond, je dis, bon, on peut visiter ça aux gens. C'est en mars 1968 qu'on va dévoiler le nom des villes qui vont être choisies pour la première année. Les signaux sont ronds, là. Tout le monde, hein, dès le 5 mars, le journal Le Progrès annonce que Thetford va avoir son cégep. OK. Deux semaines plus tard, Le Devoir de Montréal dit que Thetford va être l'un des 6 villes choisies hors métropole pour en obtenir un. Seulement 6 hors Montréal. Oui, puis il y en avait 6 à Montréal, 6 hors Montréal, avec 12 la première année. Oui. En 68. OK. Fait que là, tout le monde dans la région, on est confiant, ben, hein, oui. On va avoir notre cégep, yes. Malheureusement, arrive la date du 21 mars. Ça n'a pas marché. Et on annonce les 6 villes hors métropole qui vont avoir un cégep. Joliette, Sherbrooke, Trois-Rivières, Shawinigan et Gaspé. Oh! Oh! Pas de Thetford. Pas de Thetford. Là, ça met un peu une douche d'eau froide. Hein? Oui. Mais là, les gens, ils vont manifester dans les rues. On va inonder de lettres le bureau du ministre de l'Éducation. Ah oui? Finalement, on va trouver comme un compromis pour l'année 68. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vous ai dit que le collège avait été créé en 1969. C'est ça j'allais dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Donc, le collège classique va donner des cours collégiales sous l'égide du cégep de Sherbrooke. Ah, OK. On va comme avoir une association avec le cégep de Sherbrooke. Donc, les étudiants vont pouvoir faire des cours collégiales à Thetford Mines, mais qui vont être patronnés par le cégep de Sherbrooke. Par Sherbrooke. OK. Donc, fait que là, on pense qu'évidemment que... après ça, c'est peanuts, la chose est faite pour 1969. Ouais, là, hein? Ouais. On se dit, écoute, si on a déjà des cours collégiales en 68... L'année prochaine, non, ils peuvent pas dire non. Fait que là, la deuxième année, et là, malheureusement, encore une fois, quand on sort de la nouvelle liste des candidatures, on se fait dire que Thetford n'aura pas encore de cégep. Voyons. Encore une fois. Ah ouais? Fait que là, encore une fois, les gens vont sortir. On en voulait un dans la région de cégep. Les gens vont sortir dans les rues. Hein? On va encore manifester. On va encore inonder les lettres du bureau du ministre. Et finalement, le ministre de l'Éducation va faire volte-face et va annoncer qu'il va y avoir un cégep à Thetford Mines pour 1969. OK. Les lettres patentes du nouvel institution sont datées du 21 mai. Et les cinq premiers ministres vont être Jean-Marc Roberge, Lionel Pioz, Marie-Lou Trépanier, Suzanne Lockrie et Roland Marcoux. Fait que là, c'est fait. On a notre cégep. Mais là, comme on dit, le plaisir commence. Parce que là... On n'a absolument rien, là. C'est un cégep, c'est tout nouveau, tout beau, là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Faut mettre ça en place. Donc, en gros, l'été 69 va être assez chargé là, pour les gens du comité. On a pour commencer on a trois dossiers majeurs, hein, qu'il faut régler. La désignation des cadres, qui va gérer si ça prend des cadres pour un directeur, ces choses-là, au collège. La classification des professeurs qui proviennent de différents établissements. T'sais, on dit qu'il y a des profs qui vont venir, l'école normale, le collège classique, l'école d'art et métier. Qui est plus ancien que l'autre en ancienneté, comment qu'on fait, donc ça faut savoir ça. Puis en plus, il y a aussi l'école des mines d'asbestos qui était envoyée pour au cégep de Thetford, d'où le cours aujourd'hui de technologie minérale. Oui, oui, oui, OK. Donc, il faut classer un peu tout ça. Et enfin, évidemment, les locaux. Hein. Les locaux, à l'époque, on comprend que j'ai dit, collège classique, c'était des humanités gréco-latines qu'on donnait, donc des cours de mécanique, il n'y avait pas ça dans la bâtisse. Là. Donc, il faut réaménager les espaces. Ça va être les trois grands dossiers. Au niveau des cadres du collège, ce qui est paradoxal un peu, c'est qu'on va publier des annonces, des offres d'emploi dans les grands journaux québécois, Le Devoir, La Tribune, et tous ceux qu'on va embaucher, c'est des gens de la région. OK. Le premier directeur général, ça va être l'abbé Gérard Lemay, qui lui était supérieur du collège classique. OK. Après ça, le directeur des services pédagogiques va être confié à Étienne Tétrault, qui était l'ancien directeur des études au collège classique. Jean Daigneau, qui occupait le poste de secrétaire et de procureur du Collège classique, va devenir secrétaire général du cégep. Le directeur des études de l'école de métier, Alphonse Couture, devient directeur des services de l'équipement. Et enfin, Louis Jolicoeur, qui était là professeur de cégep au Collège classique, va être nommé directeur des services aux étudiants. Okay. Fait qu'on, tu vois, on reste là vraiment avec des gens de la place. Pour ce qui est de la classification des professeurs, on va créer un comité qui est constitué d'un représentant de chacune des écoles fusionnées. Hein. Le mandat de celui-ci va être d'analyser le dossier de chaque professeur qui sollicite un transfert au cégep et de faire ses recommandations au conseil d'administration. Et enfin, la grosse portion qui va prendre beaucoup de temps aussi, c'est l'aménagement des locaux. Hein? Oui, sûrement. D'importantes transformations vont être apportées au sous-sol du bâtiment. Le sous-sol du bâtiment à l'époque, c'est le niveau 1000 aujourd'hui. Quand vous rentrez dans le collège, là, aujourd'hui, c'est le rez-de-chaussée. À l'époque, c'était le sous-sol. C'était leur sous-sol, eux autres. À l'époque. OK. Donc, on va y installer dans le sous-sol les techniques minières. On va faire un atelier de mécanique industrielle. Une imprimerie, une cafétéria, des laboratoires de sciences. Au premier étage, on va aménager un laboratoire d'électrotechnique. Et au deuxième étage, on va faire des travaux majeurs qui vont permettre de doubler la superficie de la réserve de livres de la bibliothèque, qui compte plus de 21 000 volumes à ce moment-là. Mmh. Et enfin, il y a une partie de l'aile ayant servi de résidence au prêt qui va être transformée en bureau. Donc, le coût total va être d'environ 45 000 $ pour les travaux qu'on va faire. OK. Ça, c'est comme je dis, ça va être on va pour nous mettre prêt pour l'ouverture de l'année qui va être le 2 septembre 1969. Okay. C'est la première journée de cours de toute l'histoire du cégep. On accueille les étudiants. C'est ça. Donc, pour donner une idée, là, le cégep accueille à ce moment-là 554 étudiants, 339 garçons, 215 filles. OK. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être plus de filles que de garçons au collège. C'est ça. Et on se divise, là, sur les programmes, il y en a 110 étudiants en sciences humaines, 90 en technique infirmière, 81 en sciences pures, 24 en électrotechnique, 30 en technique minière, 46 en sciences de santé, 40 en lettres, 36 en sciences administratives et 70 dans les autres programmes. Donc, c'est ce qui va, ceux qui vont marquer l'histoire de la première année. Juste en terminant, un petit mot sur le pavillon. Les gens disent, ouais, le pavillon, ça date de quand? Ouais, c'est vrai. C'est que, malgré les travaux qu'on fait, on va manquer de place. Dans le collège. On s'aperçoit très vite qu'on manque d'espace, donc, puis assez vite, là. Donc, ça nous prend un bâtiment dit temporaire. Okay, parce que le but du collège, dans le fond, c'est qu'on veut se faire agrandir. Je ne rentre pas tout le. C'est encore beaucoup de manifestations et d'autres choses, donc on ne rentrera pas dans le détail, mais le collège va se mettre agrandi en 1976 et les travaux vont se terminer en 1978 pour avoir l'allure qu'il y a aujourd'hui. Okay. Mais avant ça, ça nous prend un agrandissement parce qu'on manque de place. Fait qu'en à l'été 1970, l'été qui suit la première année, on va acheter un surtout temporaire, qu'on pensait temporaire à l'époque, pour accueillir le surplus d'étudiants. Hein? On l'a acheté à qui, ce bâtiment-là? On l'a acheté à la meunerie coopérative de Victoriaville. Et eux l'avaient parce qu'ils pensaient faire à l'époque un projet de caveau à patates. Finalement, le projet n'a pas eu lieu. Et c'est le collège qui va acheter la structure métallique qui fait 150 pieds par 295 pieds. Et on va aménager le pavillon, à l'époque, on l'appelle pavillon 70. OK. Et qui était supposé être temporaire, mais comme je dis, ça, dans les fils de l'histoire, on nous montre qu'il n'y a rien de plus permanent que du temporaire. T'as bien raison. Hey, super le fun, puis je t'écoutais, mais je me disais, bravo à ceux qui ont travaillé fort pour l'avoir en 69, hein, parce qu'on voit aujourd'hui toute l'importance du cégep. Oui, puis à l'époque, il y a eu une grosse bataille entre Tedford et Saint-Georges-de-Beauce. C'est ça que j'allais dire, sûrement. Hein? C'est vrai, qui allait avoir le cégep, et c'est Tedford qui a gagné. Saint-Georges, ça a été très tard avant qu'il y ait un cégep. Okay. Je pense que c'était les années 90. Okay. Parce qu'il était encore au privé pendant le petit séminaire de Saint-Georges qui continue l'enseignement collégial, un organisme privé. Donc, super une belle histoire. Oui. Le prochain coup, avant qu'on se voit, on va parler de la fête de Delors des Ormeaux, qui était à l'époque, on ne fêtait pas les Patriotes, c'est la fête de Delors. C'est la même fête la fête de la Reine? C'est la même date, mais c'était parti. Okay. C'était bâti un petit peu fêté parce que ceux qui ne voulaient pas fêter la fête de la Reine ont fait un pied de nez en voulant dire on va fêter la place de Delors. Ça va être le fun. Oui. Merci Stéphane. Allez,